C'est ok, okay. C'est 2MGFR avec Christo. Ok, top skill, plein de fois écrit sur les murs, blessés, défoncés, écorchés à cause des parois. Dans un sauvage, moi j'aime me cacher, mes amis se cassent. Il prend la tête, je te mets le masque, il fait tomber la double face. Bien là, c'était un os, pétage, la vie s'écrit, c'est pas la grâce, c'est perdu dans les favelas. La gare aussi crasse, évite le drame. La mon confus, c'est dire avec le plaisir, au fil le plus gros plaisir. Mensonge, rock, je confie, c'est confus, la bite dans le cul. Car je milite sur mon son insolent, mon style affolant. Les gosses qui rentrent dans la rue, les femmes au volant. C'est pas qu'une console, les pieds hors du sol. La bataille c'est frère glacial, ton arme en cristal. Ton arme chargée, ah, qui sur ma tombe c'est brutal. Ok, je représente Bordeaux à travers mon micro. Ouais, je vois, tu peux pas test, c'est pas comme un de la tête. Là-bas c'est pas le best, eux ils sont à l'ouest. Je représente aussi leur nom, seul nom, les OBS, ça c'est le pied. Je raconte si j'avais la dalle, mais je joue pas au tennis comme Raphaël Nadal. Ok. Ok, ok, je débarque juste dans les bacs, ça va faire mal. Fais pas ton malin, sinon je te ragale. Écoute frérot, ça vient de Bordeaux. Moi je représente le 33BX, mais je fais pas comme des gens qui jouent dans des films X. Ok, ok. Alors je démarre le R1 comme un parrain, l'album arrive comme un coup de main. Je m'en fous, je te dis rien. À couper, mais je m'en bats la race car comme d'hab je fous le dawa. M'aura pas de balles, vu qu'il faut les gens, t'inquiète de couper, fais de faire la misère. Fuck les ministères, fuck ce fils qui baise ta mère sur le trottoir. Alors écoute la caméra, tu peux me filmer, mais je mets le doigt dans le cul de ta sœur. Ok, ok, je représente tous les frérots, les négros, tous ceux qui viennent du ghetto. Écoute, ouais. Mon rap va changer ta vie. Moi je joue pas le flic, le castel, dans la série qui veut la vie. Viens, avec mes potes, c'est le BBS. Oh, faire chala, dans ma bande, t'arrêtes de faire tes sottises. Sinon, je te pulvérise. Putain, je fais trop le malin. Fais pas ta pédale avec ton sac à main. Ok. Yeah. BMG, BMG, dédicace à tous les frérots, les négros, tous ceux qui nous écoutent. Ok. C'est l'homme, allez. Allez, dédicace à Mortagne. Allez, vous faire enculer.